Chapitre 17e. Au feu. Il y avait soirée à East Lyne, et minuit sonna avant que la voiture du dernier invité n'eût disparu. Une ou deux heures environ après cela, la maison était plongée dans le clair de lune et le repos. Tout le monde était au lit et dans le sommeil, lorsque le bruyant et effrayant retentissement de la sonnette de l'antichambre vint troubler tout ce calme. Wilson fut la première qui mit la tête à la fenêtre. « Est-ce le feu ? » cria-t-elle dans un singulier excès d'une concevable terreur. Wilson avait naturellement peur du feu. Elle avait souvent mis la maison sens dessus dessous en déclarant qu'elle le sentait. « Est-ce le feu ? » cria Wilson. « Oui, » fut-il répondu par une voix d'homme aussi forte que possible et partant d'entre les colonnes de l'entrée. Wilson n'en entendit pas davantage. Saisissant d'une main le baby, beau jeune monsieur, âgé maintenant de près de 12 mois, promettant d'être une aussi bonne source d'ennui pour Wilson que l'avait été son frère Archibald, auquel il ressemblait beaucoup, elle sortit du corridor en criant « Au feu ! Au feu ! Au feu !» avec l'accent de la terreur. Elle alla à la chambre de William et le tira violemment du lit, à celle de Lucie et en fit autant, ouvrit toute grande la porte de Madame Vine et ne cessant pas ses cris « Au feu ! Au feu ! Au feu !» Wilson, avec les 4 enfants, se précipita sans cérémonie dans la chambre à coucher de Monsieur et Madame Carlyle. À ce moment, les enfants, terrifiés outre mesure, non pas par les cris d'alarme de Wilson, mais en roulant dans l'escalier, se mirent aussi à crier. Madame Vine, croyant que la moitié de la maison au moins était en flammes, apparut ensuite, jetant sur elle un châle qu'elle avait pris au hasard. Joyce vint ensuite. « Au feu ! Au feu !» hurlait Wilson. La pauvre Madame Carlyle, ainsi brusquement arrachée au sommeil, arriva dans le corridor en son costume de nuit. Tout le monde, d'ailleurs, était en costume de nuit. Quand on a à s'occuper de sa vie, on ne s'arrête pas à regarder à son habit ni à son chapeau. Carlyle vint ensuite, après avoir assujetti son pantalon à la hâte. Il jeta un rapide coup d'œil sur l'antichambre et vit que l'escalier était parfaitement libre pour la fuite. Aussi le trouble ne fut-il plus si violent. Autour de lui, tout le monde criait de concert, faisant un bruit et une confusion terribles. Le brillant clair de lune passait au travers des fenêtres du corridor, mais il n'y avait pas d'autre lumière. On voyait indistinctement et comme des ombres toutes ces blanches figures. « Où est le feu ? » demanda-t-il. « Je ne sens pas de fumée. Qui a le premier donné l'alarme ?» Le bruit de la sonnette retentit de nouveau et de plus en plus fort. Carlyle ouvrit la fenêtre. « Qui donc est là ? » demanda-t-il avec impatience. « C'est moi, monsieur, » répondit une voix qu'on reconnut pour être celle d'un des domestiques du Monsieur Hare. « Mon maître a été pris d'une attaque. Il est en danger et je viens vous prévenir. » Carlyle ferma la fenêtre. « Qui vous a dit qu'il y avait le feu ? » s'écria-t-il en se tournant vers Wilson. « Cet homme qui sonne à la porte !» fit en gémissant la servante. « Dieu merci, j'ai sauvé les enfants !» Carlyle se sentit exaspéré à ce malentendu. Sa femme tremblait de la tête aux pieds. Il s'accrocha avec terreur après lui, demandant s'il serait possible de se sauver. « Mon enfant, soyez calme, c'est un stupide malentendu. La première fois que vous donnerez ainsi l'alarme à la maison, Wilson, ayez la bonté de vous assurer d'abord s'il y a de quoi !» Barbara, encore effrayée, égarée, et sans savoir ce qu'elle faisait, se sauva vers la fenêtre et l'ouvrit. Mais Carlyle fut aussi prompt qu'elle. Il la saisit d'une main et fit tomber la fenêtre de l'autre. Lui dire les nouvelles à brûle-pourpoint serait le dernier coup. À ce moment, quelques domestiques descendaient l'autre escalier avec une lumière, tous à différents degrés de costume, et se hâtant d'ouvrir la porte de l'antichambre. Jasper entra. Barbara l'aperçut avant que Carlyle pût l'empêcher. Et ce fut au comble de l'effroi en croyant que quelque chose de fâcheux était arrivé à sa mère. Il lui révéla les nouvelles tout doucement et avec tendresse. Elle fondit en larmes. « Vous ne me trompez pas, Archibald. Mon père n'est pas mort. Mort ?» répéta Carlyle, du même ton qu'il aurait pu prendre si le juge était parti pour son agrément dans les airs, la nuit, en ballon. « Wilson vous a en vérité mis la terreur dans l'âme, mon amour. Habillez-vous et nous irons le voir. » À ce moment, Barbara se souvint de William. Il est étrange qu'elle fût la première à s'en souvenir, avant Lady Isabelle, avant Carlyle. Elle se précipita de nouveau dans le corridor où l'enfant se tenait frissonnant. « Il aurait pu en mourir » murmura-t-elle en l'enlevant dans ses bras. « Oh Wilson, qu'avez-vous fait ? Sa robe de nuit est humide et froide !» Quelque peu disposée qu'elle pût être pour un pareil fardeau, elle le porta à son propre lit. Wilson n'était pas resté pour recevoir les reproches qu'on lui devait. Elle était engagée avec Jasper dans une bataille de mots, l'appuyant sur la balustrade pour lui envoyer ses paroles. « Je ne vous ai jamais dit qu'il y eut le feu !» niait Jasper avec indignation. « Vous l'avez dit, j'ai ouvert la fenêtre de la chambre des enfants et j'ai crié « Est-ce le feu ?» et vous avez répondu « Oui ». Vous avez crié « Est-ce vous, Jasper ? Que pouvais-je répondre à cela si ce n'est oui ?» Wilson, reconduisez les enfants à leur lit, fit avec autorité Carlyle en s'avançant pour regarder dans la salle. John, êtes-vous là ? La voiture fermée, à l'instant. Madame Vine, je vous en prie, ne continuez pas à porter ce lourd garçon. Joyce, ne pouvez-vous pas soulager madame ? En traversant le corridor pour aller à sa chambre, Carlyle avait brusquement passé devant Madame Vine et s'était aperçu qu'elle paraissait trembler sous le poids d'Archibald. En réalité, elle était encore alarmée, ne comprenant pas la cause du tumulte. Joyce, qui le comprenait aussi peu et avait mis ses bras autour de Lucy, s'avança pour prendre Archibald et Carlyle disparut. Barbara avait pris son propre peignoir de nuit, l'avait mis sur William pour remplacer le sien, qui était froid. Elle avait allumé une bougie et s'occupait à s'habiller. « Tâtez donc son peignoir de nuit, Archibald !» Un cri perçant de terreur interrompit ses mots et Carlyle, de nouveau, ne fit qu'un bond dehors. Barbara le suivit. Elle pensa tout au moins que Wilson avait laissé tomber le baby dans la salle. Ce n'était pas là, la catastrophe. Wilson, avec le baby et Lucy, avait déjà disparu dans l'escalier et Madame Vine disparaissait. Archibald était couché sur le tapis moulé du corridor. Quant à Joyce, en le prenant, elle l'avait laissé glisser et tomber dans sa profonde terreur. Elle se tenait près de la balustrade, le visage d'une pâleur affreuse, la bouche ouverte, les yeux fixes d'horreur, comme sur un objet qu'elle regardait. Archie s'était relevé sur ses robustes jambes et se tenait debout. « Quoi donc, Joyce ? Qu'avez-vous ? » s'écria Carlyle. « Vous regardez comme si vous aviez aperçu un fantôme. »« Oh, monsieur, » fit-elle en gémissant, « j'en ai vu un. »« Allez-vous ainsi perdre l'esprit tous à la fois ? » dit-il en s'étonnant de ce qui arrivait dans la maison. « Vu un spectre, Joyce ?» Joyce tomba sur ses genoux, comme si elle ne pouvait se tenir, et croisa ses mains tremblantes sur sa poitrine. Eût-elle vu 10 spectres, elle n'aurait pas montré plus d'effroi. « Joyce, qu'est-ce que cela veut dire ? » demanda-t-il en se penchant vers elle et lui parlant avec bonté. « Oh, mon cher maître, que Dieu ait pitié de nous tous !» fut l'inexplicable réponse. « Joyce, je vous le demande, qu'est-ce que cela veut dire ?» Elle ne fit pas de réponse. Elle se leva toute tremblante et prenant la main d'Archie, elle se dirigea lentement vers l'étage supérieur. « Que veut-elle dire à propos de spectre ? » murmura Barbara en suivant Joyce des yeux. « Elle doit avoir lu quelques livres de fantômes, » pensa Carlyle. La stupidité de Wilson a bouleversé toute la maison. Dépêchez-vous, Barbara.